Tripping, bro. Tripping, bro. Oxide on the beat. Dégage-la avec tes artifices. Ici ça cause vrai comme Angela Davis. Solide comme une délégation du Wakanda. Ouais mon gars, cerveau reptilien en action, toujours prêt au combat. On fermera pas le bec, j'préviens. Pas besoin de jouer le patron, nos rimes perforent les plastrons de vos miliciens. Chaîne politicien, faudrait des litres pour laver tous vos affronts. Des belles potences pour célébrer vos actions. Des urnes jusqu'à vos bionnes, ça pue le pognon. Pendant que le peuple étouffe, mais qui se soucie du pauvre? Tant qu'il bosse et consomme la sale bouffe. T'as fait impôt, nous ronge jusqu'à l'os. Dans les sous-sols, les choses s'amorcent. Les lions bombent le torse. Le pouvoir les a trop grisés. Ils commencent à me les briser. On est là, on est là, traumatisés. Nouveau carnage, c'est Blackjack et la freusée. Le pouvoir les a trop grisés. Ils commencent à me les briser. On est là, on est là, traumatisés. Nouveau carnage, c'est Blackjack et la freusée. On jette un foie comme Freezer. Ces balles traînent dans le viseur. Ne fais pas de film, on fera pas de teaser. On va pas jacter tes teasers. Bien sûr qu'ils maîtrisent l'art de la traîtrise. Je te les répète, ils nous méprisent. J'ai mes armes lock et mes prises. On reste debout à base de pop lock et t'es triste. Toi il te manque un dollar et t'es triste. Regarde sur quoi t'as tout misé. D'un seul claquement de doigts, ils peuvent t'atomiser. Aussi vrai qu'il y a un vrai strum à Milwaukee. Je t'ai des packs de mauvais poils comme Milwaukee. Rime implacable comme Cameron Rocky. On est cerné, ça se rapproche, on tend les talkie walkie. Le pouvoir les a trop grisés. Ils commencent à me les briser. On est là, on est là, traumatisés. Nouveau carnage, c'est Blackjack et la freusée. Le pouvoir les a trop grisés. Ça me les briser. On est là, on est là, traumatisé. Nouveau carnage, c'est Blackjack et la freusée.